La délégation du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, conduite par son vice-ministre Shin Hong-chol, a quitté le 21 courant Pyongyang par avion pour visiter divers pays arabes.